Sri Punja. La vérité est. Chapitre 2. Le soi. Troisième partie. Quelle est la nature de l'intervalle entre deux pensées? Dans cet intervalle se trouve la conscience. Entre deux nuages, il y a un intervalle, et cet intervalle est le ciel bleu. Ralentissez vos pensées et observez les intervalles. Oui, observez les intervalles et accordez plus d'attention à l'intervalle qu'au nuage. Là où la première pensée s'est évanouie et où l'autre n'est pas encore apparue, là se trouve la conscience. Là se trouve la liberté. Là se trouve votre propre place, votre propre demeure. Vous êtes toujours là. Déplacez votre attention. Changez la mise au point. Ne regardez pas le personnage. Regardez l'arrière-plan. Si je place ici un grand tableau noir de la taille du mur, que je marque un point blanc dessus et que je vous demande « Que voyez-vous ? » 99% d'entre vous ne verront pas le tableau noir. Vous diriez « Je vois un petit point blanc. » Un tableau noir aussi grand n'est pas vu et un seul petit point blanc, presque invisible, est vu. Pourquoi ? Parce que c'est le schéma fixe du mental. Regardez le point blanc, pas le tableau noir. Regardez le nuage, pas le ciel. Regardez la pensée, pas la conscience. Ceci résume tout l'enseignement. Regardez toujours vers la conscience. Regardez toujours vers la conscience et sachez que c'est ce que vous êtes. C'est votre propre place, votre propre demeure. Restez ici. Personne ne peut vous toucher. Qui peut entrer ici, là où vous êtes? Même votre esprit ne peut y entrer. Vous n'êtes pas votre corps, entend-on souvent dire ici. Certains croient en la valeur inestimable du corps, qui permet de vivre l'expérience de la vie comme quelque chose de sacré. Ils ressentent une libération en se sentant pleinement présents dans leur corps. Le caractère sacré de la vie réside dans le Purusha, la pure conscience, qui est en vous. Faites-en l'expérience. Ce n'est pas le corps, qui peut être masculin ou féminin. Vous êtes la pure conscience qui réside dans le cœur de chacun, qu'il soit masculin ou féminin. Il est mentionné dans les Upanishads et d'autres sutras sacrés que ce Purusha est égal à la longueur d'un pouce. Il est dans votre propre cœur, brûlant à jamais comme une flamme. C'est votre propre soi, votre propre Atman. Lorsque vous vous concentrez sur cela, vous verrez que vous êtes ce Purusha et non le genre masculin ou féminin. Bien que tout le monde soit ce Purusha, aucun ne s'identifie à cela, mais préfère s'identifier à leur corps pour leur propre intérêt. Personne n'est informé de ce Purusha éternellement présent. Voici ce que j'ai dit. Je ne viens pas, je ne pars pas. C'est ce Purusha qui parle. Si vous devenez cela et fusionnez avec ce Purusha, alors il parle à partir de là où la parole prend naissance, et non à partir de ce que la langue peut dire. La langue peut parler, mais d'où vient la force qui permet de parler? Elle vient de la source qui est nommée Purusha. Aham Purusha. Je suis la pure conscience. C'est de ce Purusha auquel je fais référence. Comment libérer le soi et être amoureuse en même temps? Le soi n'est pas lié, il n'est pas enchaîné, Il n'y a pas de prison pour cela. Il est toujours libre. Je sais que votre grâce est la seule chose qui me réveillera du monde de mon esprit. Même la force de mon désir de liberté est votre grâce. Me direz-vous quel est mon vrai nom ? Tous les noms qui vous sont donnés par vos parents et les prêtres, mais ce n'est pas votre vrai nom. Quand vous naissez, vous n'avez pas de nom. Ce n'est que plus tard que vous devenez Suzanne ou autre chose. Vous n'avez pas de nom et ne pensez pas en avoir un. Vous êtes sans nom. Là où il y a une forme, il y a un nom. Et là où il y a un nom, il doit y avoir une forme. Vous n'êtes pas la forme. Vous êtes à l'intérieur de la forme et vous êtes quelqu'un qui n'a pas de nom. Car seule une forme a besoin d'un nom. Qui siège dans votre propre cœur ? Cela a-t-il un nom ? L'habitant du cœur, voilà ce que vous êtes réellement. Vous n'êtes pas né de vos parents. Vous êtes cela qui n'a pas de nom, qui ne mourra jamais et ne naîtra jamais, cela qui est éternel. Si vous croyez ce que les gens disent, pourquoi ne pas croire que je suis cela ? Je suis l'Atman, je suis la paix, je suis l'amour, je suis la félicité. Si vous ne croyez pas cela, alors continuez à répéter ce mantra pour toujours. Je suis la félicité. Je ne veux pas endosser une nouvelle identité, car je ne veux pas imposer une forme à cette félicité, à cette absence de forme. Si vous décidez que vous ne voulez aucune identité liée au nom et à la forme, vous deviendrez instantanément sans forme. Si vous ne touchez pas à ce concept d'identité, vous êtes libre ici et maintenant. Vous retournez dans le passé chaque fois que vous utilisez votre nom. Les gens doivent vous appeler par un nom, mais ce nom ne doit pas toucher au passé. Bouddha est aussi un nom, mais lorsque vous l'appelez Bouddha, quelle personnalité vous vient à l'esprit ? Alors votre nom ne doit donc vous rappeler aucun attachement ni aucune relation. C'est pourquoi, dans ce satsang, on donne beaucoup de noms qui ne font référence à aucune personnalité. Les gens laissent ici leurs anciens noms et leur passé. Si je vous dis d'aller chercher Mademoiselle Vacuité, me l'amènerez-vous ? Le mot est là, le sens est là. Mais allez-vous l'amener ? C'est impossible. De la même manière, l'Atman en vous a un nom, mais vous ne pouvez pas le retenir. Il est au-delà de l'espace et ne peut être touché. Je comprends que je ne dois pas nécessairement rejeter les aspects négatifs de la vie qui vont et viennent. Je dois simplement ne pas m'y attacher. Tout dans l'univers vient, reste et s'en va. Ce qui ne vient pas, ne reste pas et ne s'en va pas. C'est votre propre soi. On dit qu'il existe trois catégories de chercheurs. Ceux qui comprennent instantanément comme le camphre, ceux qui comprennent rapidement tel la poudre à canon, et ceux qui comprennent lentement comme du bois humide. Quel conseil donneriez-vous au bois humide ? Qu'il n'y a pas de catégorie et rien à gagner. Vous êtes toujours libre, mais votre attention est ailleurs. Il suffit de ramener votre attention sur le soi et de vous détourner des objets éphémères. Ce que vous êtes est toujours ici. Je veux brûler comme le camphre et rester ici. Lorsque vous approchez du camphre près d'une flamme, il s'enflamme rapidement. Le gourou est la flamme, et votre cœur est le camphre si votre décision, votre dévouement et votre sérieux sont forts. Alors, si vous vous approchez de la flamme dans votre cœur, rien ne restera. Si vous êtes un charbon de bois, cela prendra du temps et il y aura des résidus, et du bois vert prendra encore plus de temps. Pourtant, même ces personnes obtiendront tout en quelques minutes si elles ne regardent nulle autre chose que le soi. Cette conscience en moi, est-ce cela ? Non, ce n'est pas ça. Cette conscience n'est pas cela. Vous êtes conscient des personnes, des objets et des idées, et tout ceci vient du passé. La conscience du passé n'est pas cela. Celui qui est conscient de cette conscience, c'est cela. Vous me suivez ? Qui est conscient de la conscience ? Lorsque vous êtes conscient d'un objet, vous êtes également conscient d'avoir conscience de quelque chose dans votre mental. Alors, qui est conscient de cette conscience ? Tournez votre visage vers cela qui est conscient de quelque chose, et lorsque vous le savez, oubliez-le. Si vous ne l'oubliez pas, cela deviendra une expérience passée et attirera votre attention sur le passé, faisant de cela quelque chose qui va et vient. Or, cela n'est pas le passé. Oubliez donc les expériences qui s'y rapportent. Si vous le faites, vous êtes une personne libre dans le monde, sans même être attaché à l'illumination. Oubliez tout, c'est tout. Mais si vous vous souvenez, alors ce souvenir est une mémoire et cela appartient au passé. Alors, réagissez à tout ce qui se présente à vous. C'est tout, c'est le conseil. Comment puis-je le connaître ? Nous le décrivons comme bonheur, paix et amour. Mais ce n'est pas cela, c'est bien plus. C'est bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. L'attente n'est qu'une construction du mental, qui n'existe même pas en soi. Cela va bien au-delà et peut être atteint à cet instant même. Vous n'avez pas besoin d'un programme ambitieux pour y parvenir. Aucun effort n'est nécessaire. Il n'y a pas de méthode. Restez simplement tranquille et cela se révélera de lui-même. Ne vous en mêlez pas, tout simplement. Donnez-lui une chance maintenant. Vous avez passé des millions d'années. Accordez-lui maintenant une seconde. Laissez-le se dévoiler. Laissez-le se révéler à vous. Vous imposez vos propres notions, intentions, attentes et idées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir cette révélation. C'est une révélation. Restez simplement silencieux et cela se produira. Pas par la méditation ou la concentration, ni par les pèlerinages ou en allant à l'église, ni par la pénitence, ni par le yoga. Toutes ces choses ne vous aideront pas à y parvenir. Puisqu'il est ici. Toutes ces choses vous entraînent dans un programme de report. L'esprit vous trompe, ne l'écoutez pas. Restez simplement silencieux. Ne commencez pas à penser, même cet effort n'est pas nécessaire. Cela se révélera de lui-même. Je vois que seul l'intérieur est réel. Que seul cela est toujours là. Si l'intérieur est réel, l'extérieur doit l'être également. Par conséquent, je ne suggère aucune irréalité. Tout est réel, tout est le soi. J'aimerais trouver un nom qui me rappelle le soi. Quand vous regardez le ciel ou l'océan, vous voyez qu'ils sont bleus. Mais si vous prenez une poignée d'air ou d'eau, ils ne sont pas bleus. Alors, comment quelque chose qui n'a pas de couleur peut-il avoir une couleur ? C'est en raison de sa profondeur qu'il a une couleur. Et ainsi, ce qui est d'une profondeur ou d'une hauteur incommensurable semble bleu. la rivière n'est pas bleue. Mais lorsqu'elle touche l'océan, elle devient bleue. Il en va de même pour une goutte de pluie qui n'est claire que jusqu'à ce qu'elle touche l'océan. Le nom de l'absence de forme et de la profondeur est Nilam, le bleu qui n'est pas bleu. C'est l'invisible en tous les êtres qui donne tout. Connaître cela, c'est la sagesse, la lumière, la liberté, l'émancipation des cycles du samsara. Vous devez voir que votre propre profondeur est incolore et informe. Pour le savoir, vous devez aller voir le maître qui vous dira instantanément ce que vous ne saviez pas. Ce bleu est la couleur bleue de Krishna, qui est la profondeur incompréhensible et attirante de l'amour. Me donnerez-vous un premier coup de pouce pour plonger dans cette profondeur d'amour au-delà du mental? Vous voulez aller plus loin? Alors partez seul et ne prenez rien avec vous. Ne pensez à rien. Avancez sans même réfléchir. Ne pas penser, c'est aller au-delà. Le problème, c'est votre façon de penser. Vous croyez que vous souffrez ou que vous êtes lié à une relation. Vous devez renoncer à tout cela de manière absolue. Alors vous ne retomberez pas dans vos anciennes habitudes. Ne pensez tout simplement pas et restez seul. Les problèmes ne surgissent qu'avec les pensées, tout comme le monde entier ne naît que des pensées. Pourquoi vous attirez tous ces ennuis? Ne pensez tout simplement pas. Lorsque vous ne pensez pas, vous n'avez rien d'autre à faire. Cela suffit amplement. Et ne faites aucun effort pour ne pas penser. Comment avez-vous fait pour m'appeler ici? Je vous suis tellement reconnaissant pour tout. Vous êtes comme un oiseau qui survole les frontières des pays sans avoir besoin de passeport. L'oiseau n'est jamais arrêté. Seul l'homme l'est. Vous êtes libre comme un oiseau, libre de toutes les impositions et identifications sociales. N'écoutez pas la société. Soyez libre et allez où bon vous semble. Et alors, bien sûr, vous serez appelé vers un lieu de liberté où volent des oiseaux semblables. Ceux qui restent en arrière continueront à souffrir. Il est vrai que le moi individuel, le mental et l'ignorance n'ont jamais existé. C'est très difficile à comprendre, mais c'est vrai. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Quelle est cette lumière qui vous permet de savoir qu'il y a de la lumière? Je me sens tellement bien en votre présence que mon esprit ne parvient plus à suivre vos paroles. C'est ça, l'intelligence. Je sens que j'ai touché quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. Et c'est le bonheur. C'est la félicité qui ne disparaîtra jamais. C'est le néant. Un seul contact suffit, car cela n'appartient pas au temps. Un seul rayon provenant de cela suffit à retenir votre esprit pour toujours. Il ne permettra aucun conflit entre vous et vos anciennes habitudes et activités. Vous avez beaucoup de chance. Je vais vous raconter une parabole soufie. Dans l'une des grandes cours anciennes, tout le monde attendait, selon son rang, l'entrée du roi. Entra alors un homme simple, vêtu de haillons, qui prit place devant tout le monde. Le premier ministre ordonna au nouveau venu de s'identifier et lui demanda « Êtes-vous un ministre ?»« Non, plus que cela, » répondit l'homme. « Êtes-vous un roi ?» demanda le premier ministre. « Je suis plus grand que tous les rois, » répondit l'homme. « Êtes-vous Dieu ? » s'enquit le premier ministre. « Je suis au-dessus de cela aussi, » répondit le pauvre homme. « Il n'y a rien au-dessus de Dieu, » rétorqua le premier ministre. Ce rien, c'est moi, répondit l'homme. Puisque Dieu s'est manifesté sous la forme du monde, pouvez-vous rendre un culte à la terre comme une forme d'adoration de Dieu ? Tout ce qui est créé est en Dieu. Alors, qui vénérera qui ? Si vous êtes séparés, vous pouvez rendre un culte. Mais si vous savez que toutes les créations sont le choix de Dieu, vous ne pouvez pas choisir de vous soustraire à ce choix afin de vénérer ce choix. Nous n'avons besoin d'adorer personne, car nous sommes cela même. Que l'adoration soit pour ceux qui ne le savent pas. Le véritable culte est l'amour et l'adoration spontanée du soi. Tout ce qui est appelé culte n'est qu'une idée de ce que devrait être le culte, et venant des chefs religieux afin de vous faire peur, en vous disant « si vous n'adorez pas, vous irez en enfer. » Ainsi, le culte et la peur vont de pair. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'avez pas peur. Mais pourquoi avoir peur? Dieu vit en vous, et vous vivez à l'intérieur de Dieu. Prenez la décision avec discernement. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous avez en tête les concepts de péché et de mérite, alors vous pouvez aller et suivre n'importe quelle église. Mais je ne vous conseille pas de le faire, car vous n'êtes pas différent de cela. Vous êtes cela. Croyez fermement en cette vérité. Asseyez-vous tranquillement pendant 10 minutes avant de vous endormir et après votre réveil, et consacrez le reste de votre temps au monde, en aidant ceux qui ont besoin de votre aide. Quelqu'un a dit « Tais-toi ou dis quelque chose qui vaille mieux que ton silence. » Je pense qu'il connaissait l'enseignement. Kabir a dit quelque chose de similaire. Kabir parlait avec un cœur pur, et seul un cœur pur peut en saisir le sens. Il dit lui-même « Japa Murai, Ajap Murai, le chant meurt, le silence prend fin lui aussi. Anahat bi Marjai, ce qui n'a pas de limite, l'espace, meurt aussi. Surati Samani Shabd Main, lorsque la conscience fusionne avec le mot, Taako Kala no Kaye, alors cela ne meurt pas. Ce que vous dites meurt. Ce que vous ne dites pas meurt également. Ce qui n'a pas de limite meurt également. La conscience entre dans les mots et cela ne meurt pas. Beaucoup de gens au monastère de Kabir à Varanasi voulaient savoir ce qu'était ce mot « conscience » et comment l'illimité pouvait mourir. Anahat signifie « illimité » et c'est également un mot pour « homme ». Donc, au-delà d'Anahat, il y a un mot que personne ne connaît. Anahat n'est pas l'illimité. Votre message « Restez immobile » a enfin trouvé son écho en moi. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous soyez de retour ici et que vous soyez allé à Arunachala, ce lieu qui vous apporte le silence et la paix. Établissez votre identité avec celui qui n'a ni identité, ni nom, ni forme. Identifiez-vous à cela. Il n'y a personne d'autre que le silence. Identifiez-vous avec ce lieu.